Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Nounours. Salam Khoya, comment tu vas? Salam Soso, ça va Sofiane? Ça va, alhamdoulilah, merci et toi? Bah écoute, ça va nickel, hein, super. Bon, c'est un plaisir de te recevoir dans le podcast. Plaisir partagé. Tu as été un des premiers humoristes que j'ai connu dans le métier et tout. Et tu as été un peu un modèle aussi. Tu as fait partie de mes modèles parce que tu lâchais rien et puis tu faisais de l'humour sans vulgarité, tout ça. Et c'était très important pour moi de pouvoir me projeter là-dessus et de me dire qu'il y a un public pour ça. Et aujourd'hui, j'en suis totalement convaincu. Mais à la base, je pensais que c'était peut-être un peu difficile. Et quand je voyais des personnes comme toi, des personnes comme Samia, comme Austin Power, je me disais que c'était totalement faisable. Et j'étais content de pouvoir être en accord avec mon éducation et ma façon de faire de l'humour, quoi. Eh bah, tant mieux, bah, ça me fait super plaisir de savoir que j'ai fait partie de tes modèles. Et bah oui, t'as vu, hein, c'est un boulot. Et certes, parfois l'exercice, il est deux fois plus dur parce que c'est vrai qu'écrire sans vulgarité, c'est une perception des choses. Comme tu l'as dit, c'est aussi. Tu sais, tu gardes ta ligne de conduite sur l'éducation. C'est pas parce que tu vas faire de la vulgarité que t'es pas éduqué. Non, non, pas du tout, pas du tout. Mais c'est histoire de pouvoir jouer, en fait. Moi, si tu veux, je compare ça à jouer quand t'as tes parents dans la salle, tu vois. Tout à fait. Bah, moi, ça a été ma réelle motivation et ma seule motivation. C'était toujours de me dire que mon père, ma mère pouvaient être dans la salle. Donc, pas de oups, pas de trucs. Et c'est vrai que j'apprécie beaucoup cet humour-là parce que sur l'exercice d'écriture, il me pousse vraiment à aller réfléchir sur beaucoup de choses, beaucoup de thématiques. Ça m'arrive d'être très borderline. J'aime bien jouer avec ça. Tu vois, être vraiment glissé, surfer sur la petite ligne rouge et redescendre en bas, mais tout en voilà, tu vois, tout en conservant le petit bip sonore qui fait qu'on dépasse pas la ligne rouge, quoi. Et ça, parfois, c'est un exercice qui est marrant. Mais c'est vrai qu'écrire sans vulgarité, c'est un exercice qui est deux fois plus difficile et moi qui me plaît énormément parce que voilà, j'aime la rigueur, j'aime le travail, tu me connais, j'aime la constance et j'aime me prendre la tête pour pondre un texte où il n'y aura pas de vulgarité et qui peut être autant drôle qu'un texte parfois vulgaire et très drôle, quoi, parce que tu as des textes, tu as des humoristes vulgaires qui sont très très drôles. Ah oui, Faut absolument. Moi, je renie pas du tout ça. Tu vois, je pense que l'exemple auquel tout le monde pense, c'est Jean-Marie Bigard. Tu vois, quand on parle d'humour qui va dans la vulgarité et tout. Et moi, le premier, franchement, ça me fait hurler de rire. Il y a pas de, je vais pas m'en cacher. Mais par contre, j'assumerai pas moi de monter sur scène et de faire ça. Je suis consommateur de tout type d'humour, mais je pourrais pas être acteur de certains types. Voilà, c'est juste comme ça. Et je pense que le truc qui nous fait le plus plaisir quand on fait de l'humour sans vulgarité, parce que comme tu l'as dit, c'est plus dur à écrire, mais ça nous pousse à être plus inventif et tout que ceux qui vont s'arrêter à la première blague vulgaire qui va leur venir. Je critique pas ceux qui le font, mais nous, on se met une difficulté supplémentaire. L'avantage, c'est que on peut jouer quelles que soient les conditions, quelles que soient les personnes. Tu vois, tu ouvres le rideau discrètement, tu vois qu'il y a des enfants, t'es pas en panique et les gens peuvent venir te voir à la fin du show. Ça a dû certainement t'arriver. Moi, ça m'est arrivé quelques fois. Franchement, ça me fait plaisir. Il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent merci, ça nous fait plaisir d'avoir pu rigoler en famille sans vulgarité. Tout à fait, et ça fait partie d'autant plus des anecdotes d'une carrière. Quand tu penses comme ça à des plateaux, tu dis tiens, j'ai joué pour des associations, parfois communautaires, parfois, et tu dis je viens pour la bonne cause parce que quand tu es dans un rythme de carrière, c'est vrai que tu penses qu'à remplir des salles. C'est vrai qu'on a tous pour objectif l'Olympia, on a tous pour objectif les salles mythiques parisiennes. Se dire qu'on doit arriver là, à un moment donné, quand tu fais un peu le tour, que tu sillonnes toutes les scènes parisiennes, à un moment donné, tu dis voilà, aujourd'hui, je suis un humoriste, j'aime faire rire, mais est-ce que je peux utiliser ma cause à d'autres choses? Est-ce que ma personne peut être utile sur d'autres choses? Et quand tu sais que tu es un humoriste pas vulgaire et que tu peux aller faire rire certaines associations, certaines causes, et bah, tu vois, tu es d'autant plus fier quand tu te dis waouh. T'as le gars qui est venu, parfois grosse racaille qui arrive et tout. Oh frérot lourd, ma mère elle était morte de rire. Ah mon, tu vois ce que. Et ça fait plaisir, tu vois, ça fait plaisir de se dire que le garçon il était là avec sa maman, parfois des familles très pudiques, tu vois, qui n'ont pas cette culture théâtrale de se dire tiens, je vais emmener ma mère ou mon papa au théâtre, faut se dire la vérité. Et bah, quand ils viennent dans une association et ou dans un événement, dans un gala, pour une cause XYZ, quoi, tu vois, et qui se disent, qui partagent ce moment ensemble et qu'à la fin, ils viennent tous te remercier, bah, parce que voilà, tu vois, et qu'ils te prennent en référence des acteurs ou des comédiens de leur enfance, te dire, bah, tu m'as autant fait plus rire que cette personne qui m'a fait rire dans mon enfance quand j'étais au Maroc, en Algérie ou en Tunisie ou là où j'ai grandi, quoi, bah, t'es fier. Ça fait partie. Certes, on fait ce boulot parce qu'on a besoin aussi de gagner notre vie, mais on n'est pas des gens vénales. Hein. Tu sais très bien comment je suis. Hein. Tu m'as sollicité pour des causes. J'ai répondu présent, sans négocier, sans chipoter, te disant voilà. Et parce que voilà, on aime faire ça, on aime le partager. Mais c'est vrai que quand parfois on est réticent, c'est que on a besoin aussi d'avoir confiance, de se dire pour qui on va le faire, pourquoi on va le faire. Tiens, on n'est pas des enquêteurs à aller fouiner, se dire ouais, qu'est-ce que c'est que ça, que c'est pour qui. Nous, le seul truc qu'on a envie de faire et qu'on sait faire, bah, c'est de monter sur scène, prendre le micro et faire rigoler les gens, quoi. Mais je comprends et tu as totalement raison de parler de confiance, tout ça, de savoir pour qui on joue. Parce que je te remercie encore, tu vois, la fois où tu étais venu jouer, c'était pour l'association La Ruée vers l'eau. On avait fait une soirée d'ailleurs. J'aimerais bien relancer le concept. On verra bien, on verra, Inch'Allah, un jour. J'aimerais bien relancer le concept parce que j'étais content de pouvoir participer à cette initiative qui permet de construire des puits en Afrique et tout, là où les gens n'ont pas accès à une eau potable et propre, quoi. Tu vois, il y avait une Et de image manière très. courante. Oui, voilà, et oui, avoir l'eau sans avoir besoin d'aller la chercher au puits et tout, de l'avoir directement, tout ça, d'avoir un accès à l'eau quasi, enfin pas illimité, mais d'avoir un accès ouais, courant, comme tu dis, l'eau courante, quoi. Et moi, je me rappelle, il y avait une image qui m'avait choqué, c'était, ils mettaient une photo, en fait, avec notre eau qu'on boit, nous, et l'eau que eux boivent. Et tu voyais, il y avait notre eau qui était claire, limpide, et tu avais leur eau à eux, tu vois, qui était vraiment marron, un peu, tu sais, on aurait dit qu'on avait mis de la terre dedans, quoi. Tu vois? Tout à fait. Bah, c'est quand tu quand, comme si tu prenais de l'eau, bah, quand il y a de la pluie, tu vas sur une flaque où il y a de la gadoue et tu prends cette eau-là, et bah, tu te dis que cette eau-là sur laquelle toi tu marches, déjà juste le fait de mettre ton pied dessus avec tes baskets, tu te dis ah merde, je me suis sali, alors que des gens au quotidien la boivent. Et tu vois, c'est pour ça qu'à un moment donné, bah, tu vois, je parle vraiment en mon nom propre, c'est que je me dis j'aime ce que je fais, et quand tu peux servir aussi cette bonne cause. Parce que moi, ça m'a permis aussi l'humour de mon métier, bah, de pouvoir faire pas mal de voyages humanitaires et d'aller, entre guillemets, bah, défendre ces causes, hein, je te le dis clairement. Et bah, franchement, tu reviens avec un autre état d'esprit, et même sur ta manière d'écrire ou sur ta manière de vouloir monter sur scène, bah, tu le fais différemment parce que. C'est quand tu vas au cœur du sujet et que tu rencontres ces personnes qui boivent cette eau, parce que beaucoup aujourd'hui le voient à travers des vidéos, à travers Facebook, à travers YouTube, à travers, tu vois. Donc quand tu le vis sur place et quand tu vois ces gens-là et quand tu vois l'accueil qui te font et tu vis avec eux quelques jours, quelques instants, quelques moments, bah franchement, quand tu rentres quand je rentre en France, je rentre en France, déjà tu te manges une vraie leçon de vie. Tu te manges une vraie gifle, hein, des deux côtés. Bah, tu vois, nous, on a la chance, hein, pousse à droite, t'as l'eau chaude, pousse à gauche, t'as l'eau froide. Bah, tu réfléchis différemment. Et sur ta manière aussi d'écrire, tu réfléchis différemment parce que parfois, il y a des petites blagounettes qu'on pouvait se permettre de faire sur des sujets comme ça. Je ne dis pas qu'on ne peut pas rire de tout, hein, attention. Mais c'est juste que tu vas le faire différemment. Tu vas le faire en passant un message beaucoup plus limpide, comme l'eau qu'on aimerait, bah, que ces gens-là puissent avoir à disposition au quotidien. Tu vois, passer un Ouais, je message comprends. subtil, passer un message de, tu sais, de se dire voilà, faut militer le truc, on va rigoler, on va dire voilà, j'étais là, j'ai bu de l'eau, j'ai fait ça, j'ai eu la diarrhée, j'ai eu ça, nanana. Mais derrière, avoir un message, te dire ah bah tiens, on aimerait bien aussi tu sais, éveiller certaines consciences qui n'ont pas forcément tu sais, l'esprit humanitaire ou ce genre de choses, tu vois, qui sont pas forcément, qui n'ont pas confiance. On ne sait pas, hein, tu vois, chacun a son opinion, mais si nous, vu qu'on est quand même porte-parole, parce qu'on prend le micro, on a la position sur scène qui nous permet d'être libre, de dire ce qu'on a envie de dire. Donc on a une audience qui nous écoute, on a une tribune qui nous écoute. Donc chaque message qui va passer doit être perçu à sa juste valeur et c'est très très important. C'est ça, aujourd'hui, ma perception des choses sur l'humour, c'est que faut qu'on aille. Je te parle pas de dénoncer ce genre de choses, hein, mais quitte à faire rire, bah, le faire avec un intérêt commun, quoi. Oui, c'est bien de pouvoir apporter un sens et un message dans l'humour. Alors bien sûr, la première couche de l'humour, c'est toujours d'être drôle, ça c'est la base, hein, c'est la définition. Et après, si tu peux amener une deuxième couche avec un message, c'est très important, c'est bien de pouvoir militer pour une cause et tout. Et ouais, je comprends que quand tu vas sur le terrain et que tu vis réellement les choses, tu en es affecté, en fait, ta vie en est affectée. Donc forcément, comme on écrit avec le cœur, ton écriture va s'en retrouver affectée et c'est bien. Et Et tout à l'heure, tu vois, on parlait des gens, tu vois, les histoires de confiance et tout. Quand tu vas avec des gens en qui tu peux avoir totalement confiance, t'es bien, t'es serein et puis tu te sens utile. Et malheureusement, il y en a qui profitent de ce genre de choses et ils vont te faire venir pour des trucs, tu vois. Moi, je suis comme toi. Moi, je suis à partir du moment où je sais que la cause, elle est propre et que l'organisateur, il est droit et tout et qu'il va pas faire n'importe quoi. Moi, ça me dérange pas du tout de venir jouer gratuitement avec grand plaisir. C'est pas un problème. Mais tu vois, par exemple, je devais jouer pour une cause. J'avais dit oui, pas de problème et tout. J'avais dit du coup, comment est-ce que ça se passe? On m'a dit tout le monde est bénévole. Et moi, si tout le monde est bénévole, ça me dérange pas d'être bénévole. C'est pas un problème. Par contre, si lui, il est payé, lui, il est pas payé. Après, on parle pas de star. Attention, hein. On parle pas d'une superstar qui vient et qui demande à être payé. Bon, ça, c'est autre chose. Mais moi, je te C'est le parle de. principe, c'est une question Tu de vois, voilà. principe. Moi, je te parle, tu vois, genre d'artiste au même niveau de notoriété, entre guillemets, c'est-à-dire zéro quasiment. On va dire, voilà, c'est, tu vois, tu fais venir plusieurs artistes qui ont le même niveau à peu près, et il y en a un qui a mieux négocié que les autres, et du coup, lui, il sera payé et pas les autres. Ça, c'est pas cool, tu vois. Moi, je sais qu'une fois, j'ai annulé une prestation parce que le magicien qui avait été engagé m'a dit méfie-toi parce que tu sais je lui ai dit ouais bah, c'est bien et tout moi ça me dérange pas du tout d'être bénévole là-dedans et il me dit comment ça bénévole? Il me dit moi je suis payé hein. J'ai dit comment ça t'es payé? Il me dit moi il me paye 200 euros tu vois et moi ça m'a mis les nerfs parce que je trouvais que c'était pas juste donc j'ai fait exprès tu vois j'ai appelé la personne et tout je l'ai un peu confronté mais je lui ai pas dit je sais que l'autre est payé mais j'ai commencé à lui faire et tout et elle m'a dit non non non tout le monde est bénévole tout le monde et là je me suis rendu compte qu'en fait il y avait anguille sous roche que la personne elle jouait pas franc jeu tu vois d'ailleurs j'ai eu après des échos que cette association là avait déjà fait des trucs pas nets donc du coup j'ai dit laisse tomber je me retire du jeu tu vois et à l'inverse quelques semaines plus tard un ami qui s'appelle Julien Bichroux j'en profite pour le saluer, tu vois. Il est musicien et chanteur et il m'a dit, est-ce que tu veux venir jouer pour une association? Je lui ai dit, écoute, je viens d'avoir une très mauvaise expérience, donc moi, je te fais confiance. Est-ce que tout le monde est bénévole ou pas? Et il m'a dit, je te jure, Sofiane, tout le monde est bénévole. Même les cuisiniers qui vont cuisiner les plats, c'est-à-dire on leur ramène la matière première et ils vont cuisiner bénévolement. Je lui dis alors, je viens. Non seulement je viens, mais je viens avec plaisir. Et j'y suis allé et on a fait ça avec plaisir. C'est pas du tout un problème. Quand tout le monde joue le jeu, il n'y a pas de souci. Après, pour le côté vraiment, tu vois, se sentir utile, tout ça, je comprends, mon frère, et j'ai totalement le même sentiment. C'est que je suis content de faire rire les gens, mais quand en plus je peux me servir de ce qui me passionne, à savoir la scène, pour faire du bien autour de moi, je suis content et c'est pour ça que je te rejoins là-dessus. On veut faire rire, on veut prendre du plaisir et on veut en même temps pouvoir aider des causes nobles, quoi. Tout à fait. Et comme tu parlais de notoriété, parce qu'à un moment donné, moi, ce mot, la notoriété, parfois me dérange. Il me dérange pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on appelle la notoriété? La notoriété, c'est être sur les plateaux télé tous les jours. C'est quoi la notoriété? Parce qu'à un moment donné, je suis un indépendant, comme tu le sais, et j'ai un profond respect pour les personnes qui montent sur scène et qui défendent leur cause et qui, parfois, tu le sais, c'est pas facile parce que quand tu montes sur scène, bah, surtout au début, hein, tu manges, excusez-moi le terme, tu manges de la merde. Parce que c'est pas un mot négatif, au contraire. C'est d'où l'expression de ton ouverture d'émission. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste parce qu'on est confronté bah, à des problèmes financiers dans le sens où on fait certains plateaux, on n'est pas payé à notre juste valeur pour la simple et bonne raison que c'est des plateaux payés au chapeau, ce genre de choses. Mais nous, on accepte le principe. Pourquoi? Parce que, avant toute chose, moi, véridique, hein, je ne le fais pas pour l'argent. L'argent vient par la suite. Pourquoi? Parce que ça devient un métier, ça devient un engagement. Parce que écrire, travailler, monter sur scène, être constamment dans la créativité, toujours se dire, tiens, il faut que je prépare ça pour tel truc, et essayer d'être tout le temps bon. Quand je dis bon, bah, c'est de monter sur scène et de plaire au public qui parfois te connaissent et parfois te découvrent. Et le plus difficile, c'est quand ils te découvrent, parce que tu dois être à la fois, bah, tu dois leur plaire, leur dire voilà, on doit leur donner envie de nous écouter. Et une fois qu'on arrive à briser cette glace, bah, se dire ah, mais ce garçon, il est drôle, il est bon, il est intelligent. Tu vois? Parce que au-delà du rire, ça fait plaisir, c'est très, très, très, très flatteur et très gratifiant quand le public te dit que voilà, derrière ton humour, on ressent une intelligence, on ressent que voilà, il y a du travail. Et c'est là où je reviens sur la notoriété. Par exemple, aujourd'hui, quand on me dit, tu sais, tu as des petits jeunes, hey, tu es connu, toi, le mot connu, c'est ce truc, ça gonfle un peu ton ego. Mais moi, ce qui me fait le plus plaisir, c'est de se dire que mon travail est reconnu, au-delà d'être connu. Ah, C'est de se d'accord, je dire, comprends. voilà, tiens, franchement, non, on sait ce que c'est, on connaît sa valeur. On sait que c'est une valeur sûre, on connaît son style, on connaît son truc. Si c'est un mec qui va partir, autant il peut te faire 1 heure en impro, bah autant il peut rentrer dans un sujet, jouer avec des mots, faire, tu vois. Et ça me fait plaisir. Parce qu'il y a parfois quand les gens ne te connaissent pas, après, bon, ça c'est un petit peu l'effet du Jamel Comedy Club, où le sens, où le Rebeu, Renoir, toujours ça parle de mon quartier, mon père, ma mère, tu sais. C'était les gens se disaient, ouais, ça reste communautaire, alors que non, c'est pas communautaire, parce que les gens racontent tout simplement ce qu'ils ont vécu. Tu vois, Mais c'est et ça. les gens sont restés sur cette étiquette-là qu'ils ont collée au Jamel Comedy Club, alors que non, moi j'ai eu l'occasion de le faire en saison 9, j'ai été invité, ça s'est très très bien passé, j'ai voulu faire ce que j'avais envie de faire, on m'a pas forcément bridé ou filtré, hein. J'ai fait ce que je voulais faire, j'ai proposé ce que j'avais envie de proposer, parce que tu as un temps court qui passe sur la télé, tu dois être punch, punch, punch, punch, punch, tu n'as pas le temps de poser un style. Comme quand tu joues ton spectacle. Et tu le sais très bien, Sofiane, quand tu joues en indépendant, bah, on dit notoriété, pas notoriété, tu as des gens qui sont très connus, hein, très médiatisés, et qui ne remplissent malheureusement pas leur salle. Et moi, par exemple, à mon niveau, je pense que toi aussi, parce que je vois que tu vis ta passion, que tu essayes de. En plus, tu n'es pas de Paris, donc tu essayes de venir à droite, à gauche, conquérir le public, et c'est un travail qui est doublement plus dur parce que tu n'as pas eu cet impact médiatique qui va te présenter entre guillemets à la population pour dire tiens voilà une affiche un truc donc on a cette fenêtre qu'ouvert au monde qui est Internet et on surfe dessus et quand tu viens sur Paris et que tu arrives à tu t'organises un showcase et que tu arrives à avoir 80 personnes et que t'es pas de cette ville c'est énorme. Parce que tu as des gens qui sont ici sur Paris, qui sont chez Arthur tous les jours, qui sont chez Hanouna, qui sont partout et qui malheureusement n'arrivent pas à remplir leur salle de manière régulière. Et moi, je remercie vraiment les réseaux sociaux. Hein, parce que moi, quand j'ai joué au théâtre du Gymnase pendant presque 2 ans, j'ai commencé par un créneau qui était le jeudi à 21h30. Donc on est dans la semaine, boulot, le lendemain, vendredi. Donc au début, tu flippes, tu as 160 personnes à amener. Et quand tu vois l'impact des réseaux sociaux et surtout quand tu vois l'amour que les gens te portent, que tu ne connais même pas, et qui viennent et qui remplissent ta salle, et qui mettent des critiques, et qui te valident, et qui te disent, quand je te dis la critique, ce n'est pas forcément la positive, hein. C'est la critique où franchement, je regardais tes vidéos, Nounours, bon, sans plus, mais sur scène, tu es un monstre. Tu vois, donc c'est aussi surprendre les gens qui te connaissent déjà à travers les vidéos, parce que les vidéos sont pas forcément représentatives de ce que tu fais sur scène, tu vois. Et les gens ont D'accord. parfois du mal à assimiler ça. Donc si je fais sur scène ce que je fais en vidéo, il est où l'intérêt? Je comprends, je comprends. Oui, tu fais un produit d'appel et puis après tu veux que les gens viennent te découvrir. Je voudrais revenir en fait sur ce que tu disais par rapport à la notoriété. Alors je comprends ta définition et je suis totalement d'accord. Il y a autant des gens qui sont en lumière et tout et qui n'arrivent pas à remplir leur salle ou qui n'ont pas le. Enfin, qui honnêtement sont peut-être surévalués. Et dans l'autre sens, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas en lumière, qui ne le seront peut-être jamais, mais qui sont de vrais monstres sur scène et qui arrivent à remplir leur salle, tu vois. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de cette notoriété pour ça. Moi, quand je te parlais de notoriété par rapport à l'événement caritatif, c'était parce que à chaque fois quand tu mets avec la présence de un tel ou une telle et que c'est quelqu'un qui est reconnu parce qu'il va à la télé, tout ça, on le voit tous les 4 matins, voilà, c'est là c'est autre chose. Les gens se disent on va y aller parce que c'est un produit d'appel, bah, un peu comme toi avec tes vidéos. Après, pour en revenir sur le côté communautaire, je suis d'accord avec toi, c'est pas parce qu'on parle de ce qu'on vit que c'est communautaire, même si tu as vécu dans un quartier ou quoi. Les gens galèrent trop souvent le sens du mot communautaire. Et même moi, au début, je me trompais, hein, je m'inclus dedans, évidemment. Mais quand j'ai appris ce que c'était, j'ai dit, ah, c'est une bonne nouvelle. Parce que du coup, c'est pas du tout ce qu'on pense. Nous, on pense quand on entend, ouais, il fait de l'humour communautaire, ça veut dire c'est un mec qui parle du bled, c'est un mec qui parle de sa vie au quartier, machin, comme t'as dit, de papa, de maman, tu vois, voilà. Non, c'est pas ça C'est là, communautaire. c'est par exemple, tu es portugais, tu vas nous parler forcément de. Bon, excusez-moi, un gros bisou à nos amis portugais qui écouteront ce podcast, mais tu vois, généralement, dans l'humour, on aime bien toujours toucher le cliché. Donc, le portugais, par exemple, qui va te parler que du bâtiment, que de plâtre, que de placoplâtre, que de briques, que de ciment, que de ça, on ne peut pas le classer dans une catégorie communautaire. C'est-à-dire, à un moment donné, on raconte ce qu'on vit. Tu as un rebeu, tu as grandi en cité, tu racontes un petit peu les clichés du bled, ce genre de choses. Tu sais, ce n'est pas communautaire, ça reste aussi la culture à ta manière. Mais il y a une chose très, très importante, c'est qu'il va falloir, et là intervient le travail de l'humoriste et la qualité de travail, c'est qu'il va falloir rester fédérateur. Il va falloir que ce qui sort de ta bouche quand tu parles du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, du Portugal, du Zimbabwe, de l'Inde, de ce que tu veux, il va falloir que la personne qui soit devant toi comprenne le message et comprenne la vanne. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est exactement ça. Là, tu viens de définir, tu vois, j'allais donner la définition du vrai humour communautaire, et c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est en fait, tu peux parler de n'importe quoi. C'est communautaire à partir du moment où tu ne peux pas comprendre les blagues si tu ne fais pas partie de cette communauté. Là, voilà. Et ça manque de respect de l'artiste d'indirectement exclure une partie du public. Totalement. Mais moi, j'ai vu un truc, je ne sais pas si tu as regardé sur Netflix, c'est un spectacle de Fred Armisen qui s'appelle... donc, Fred Armisen, c'est un humoriste du Saturday Night Live. Et il dit... donc, son spectacle s'appelle « For Drummers Only », tu vois, c'est-à-dire uniquement pour les batteurs. Et il a fait un spectacle communautaire. Il ne parle pas de bled, il ne parle pas de je sais pas quoi, de quartier. Il parle de batterie. De batteur, voilà, de batterie. Et tu sais comment il a fait? Il s'est mis donc à l'entrée de son spectacle. En fait, il y avait une batterie et tu pouvais rentrer que si tu savais en jouer. D'accord. Tu vois? Donc, les mecs, ils se mettaient là. Tu sais, il y en a qui ont essayé de s'incruster, mais malheureusement, ils n'ont pas pu, tu vois, parce qu'ils leur donnaient les baguettes. Ils disaient, allez, vas-y. Et si le mec ne savait pas jouer de la batterie, ben, il ne pouvait pas rentrer. Et du coup, là, il s'est assuré d'avoir que des gens dans sa salle qui sont des batteurs. Et en effet, j'ai regardé le spectacle parce qu'il est sur Netflix. J'ai regardé le spectacle et franchement, j'ai rien compris. mais je ne lui en veux pas parce que c'est uniquement pour les batteurs. J'ai compris quelques blagues, mais il y a beaucoup de blagues qui étaient communautaires dans le sens de si tu ne fais pas de la batterie, tu ne comprends pas. Tu vois, donc là, tu as donné la bonne définition, c'est parler de ce que tu veux, tu peux parler de n'importe quel pays, de n'importe quelle culture, à partir du moment où tu l'exposes aux gens de façon à ce que même quelqu'un qui n'a rien à voir avec cette culture comprenne tes blagues, ce n'est pas du tout communautaire, c'est de l'humour classique. L'humour communautaire, c'est si tu ne fais pas partie de la communauté dont tu parles, eh ben, tu ne comprendras pas les blagues, voilà. Et mais toi, je sais que tu n'es pas du tout communautaire parce que tu parles de tout. Et même quand tu parles de choses qui te ressemblent et qui font partie de ta culture franco-marocaine, je veux dire, tu vas être quand même tout public et les gens vont te comprendre totalement, même si on vient du fin fond de la Norvège, on va comprendre tes blagues. Et je me posais la question justement, puisque c'est le principe du podcast, c'est un petit peu le sujet que tout le monde attend. Quelles sont les anecdotes que t'as vécues toi au cours de ta carrière? Alors, moi, les anecdotes, je vais te dire honnêtement, j'en ai vécu beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup. La dernière en date, c'était juste après le confinement. Oui. Juste après le premier confinement, c'était l'été dernier. Oui, on a pu remonter sur scène entre les deux. Voilà. Donc, moi, j'étais programmé à Angers. Et, et en fait, vu qu'on ne pouvait pas mettre tout le monde dans la salle, parce qu'en fait, c'était c'est un nouveau restaurant qui a ouvert, en fait, qui est parti dans un concept de un peu à l'américaine. Ça veut dire c'est un restaurant burger, tout ça, et avec une salle de... Comme le restaurant est fait comme une salle de spectacle. Et du coup, il peut contenir jusqu'à 150 personnes. Malheureusement, j'ai dû faire deux sessions. Donc, j'ai fait 21h et 22h. D'accord. Mais le problème, c'est que moi, je ne respecte pas les horaires. Moi, tu me dis, je joue 15 minutes. Déjà, moi, c'est une anecdote. Les humoristes me connaissent là-dessus. Moi, quand on me dit, moi, si tu veux que je fasse 15 minutes, dis-moi de jouer, dis-moi de juste venir. Ne me dis même pas de jouer. Tu me dis juste viens, je vais te faire 15 minutes. Mais si tu me dis fais 15 minutes, c'est clair que je vais faire 30 minutes. C'est pas de ma faute, hein, et je m'en excuse pour les humoristes qui auraient pu mal le prendre, qui attendent derrière le rideau, qui se disent ouais, il ne nous respecte pas, il fait plus le temps que prévu. Moi, c'est comme ça. Moi, je ne sais pas compter le temps, je ne sais pas donner qu'un temps à un public. Moi, j'aime bien, à partir du moment où on kiffe ensemble, j'aime bien donner. C'est vrai que c'est un défaut, peut-être. Mais j'ai le même que toi, je te rassure. Tu vois, moi, je suis... Voilà, moi, tu me dis, j'arrive pas. Et du coup, je suis parti, parce qu'en fait, une heure, moi, c'est pas le temps de mon spectacle. Moi, j'ai un spectacle qui dure quand même une heure et demie, parce qu'il y a une mise en scène, il y a un boulot derrière, et il y a des personnages, donc c'est pas que du stand-up brut, c'est très théâtralisé par moments, tout ça. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait la première session. Franchement, c'était exceptionnel. C'était magnifique. En plus, on était privé de scène pendant de mars à... Je l'avais fait en juillet, je m'en rappelle. Donc, je te laisse calculer. On est presque 6 mois. Est-ce que c'était ta rentrée de scène? Moi, c'était ma rentrée de scène parce que j'avais fait aucune scène. Je répète beaucoup. Moi, je fais beaucoup d'italienne. Je fais moi tous les jours... Tous les jours, parce que j'ai une heure et demie dans la tête que je connais par cœur, mais très souvent, très très souvent, je répète à la maison, on a une structure où je fais mes vidéos, des fonds verts, donc j'aime bien répéter devant mes potes. Parfois, quand j'ai une idée comme ça qui me dit, tiens, t'as vu quand je ramène cette vanne-là, à ton avis, avec cette intonation, ce truc, parce que tu vois, plus tu fais des italiennes comme ça, plus tu répètes dans ta tête comme ça, t'as des petites idées qui te viennent. On n'est pas des metteurs en scène, mais on a tous, on aime bien voir la perfection dans notre spectacle, et c'est pour ça que la vie d'un metteur en scène, pour ceux qui peuvent, ceux qui peuvent se procurer un metteur en scène, hein, s'être accompagné d'un metteur en scène, c'est très important parce qu'il va avoir un regard très professionnel et très carré. Parce que nous, parfois, on va se dire, mais non, regarde comme ça, c'est bien. Moi, ça me fait rire. Mais ça ne va pas peut-être faire rire le public ou ça ne va pas être la petite perle du truc. Ce n'est pas la petite pépite à ce moment-là. Et du coup, je monte sur scène, tout ça, et carton. Nickel, tout le monde veut me payer un burger. Je dis non, j'ai déjà mangé, merci. C'était gentil de leur part, magnifique. Et en plus de ça, bah, tu vois, c'était Angers, public de jeunes, public d'étudiants, donc pas forcément des gens de ma communauté non plus. Donc c'était exceptionnel. Donc quand je rentre avec le drapeau de l'Algérie, que je cartonne l'Algérie pendant 20 minutes avec amour, bien sûr, ils sont morts de rire. Parce que c'est des choses qui vivent en France aussi, tu vois. Ouais. La deuxième session, je prends, parce que tu sais, les gens sortaient, et ils me disent, non, tu veux prendre une petite pause. Je dis, non, on enchaîne, il y a des gens qui attendent, il est déjà 22h20. Tu sais, moi, je respecte énormément le public. J'aime pas faire aux gens ce qu'on fait. Donc, tu vois, j'ai dit, allez, on enchaîne et tout. Et du coup, ce qui se passe, c'est que tout le monde rentre et tout, ils s'installent. On a eu deux fois 110 personnes. Donc, on a eu 220 personnes sur l'ensemble de la soirée. Et la deuxième, on fait rentrer le public, on enchaîne tout ça. Au bout de 10 minutes, tu as vu, je pars en impro. Donc, je suis même pas rentré dans mon spectacle. Parce qu'en fait, il y avait des cordes derrière derrière la cuisine. Tu sais, tu as des cordes. En fait, c'est un concept en bois avec une vitrine. Et tu as des cordes collées sur le côté. C'est super beau. C'est comme des cordes marins. Et à un moment donné, tu as une sœur qui rentre, une Africaine, avec des grosses nattes et tout ça. Et je pars en impro avec elle, un sourire de malade et zéro susceptibilité. Et je lui dis, ça tombe bien que tu sois venue parce que voilà, on cherchait les cordes du décor. On s'est dit, quelqu'un les a pris et ils sont sur ta tête du coup. Et les gens, ils explosent de rire. Et la meuf en question, elle explose de rire. Et elle rigole et elle rigole. Et spontanément, elle dit à sa copine, je me suis fait pipi dessus. Et la meuf, elle s'est vraiment fait pipi dessus. Du coup, elle a dû partir, la pauvre. Et elle me dit, attends-moi, je rentre. Mais non, mais c'était chaud. C'était flagrant, c'était voyant. Et une crise de rire, Sofiane, que j'ai pas pu gérer. Les gens rigolent. On ne sait pas s'ils rigolent encore sur la corde. Mais c'est parce qu'elle s'est pissée dessus. Donc, moi, je ne sais pas quoi faire. Et du coup, je lui dis, reste. J'ai mon pote, j'ai mon manager, il va te donner son jogging. Et les gens, ils rigolent. Moi, j'essaye d'être sérieux à ce moment-là. Je voulais qu'elle reste. À ce moment-là, chaque mot qui sort de ma bouche est une éclosion de rire dans la salle. Et à un moment, je dis, je ne parle plus. Voilà, continuez à rigoler. Spectacle entre vous. Voilà. Ça m'embêtait qu'elle parte, Sofiane. Parce que c'était un bon public. Elles étaient deux. Franchement, en plus, de mémoire, parce que je parlais avec elle, c'était une haïtienne. Et un bon délire. Et on est rigolé, vu que je connais la communauté haïtienne. Je commence à lui parler de Port-au-Prince. Et je dis au public, je dis deux secondes, vous n'allez pas comprendre. Parlez entre vous deux minutes, le temps que je fasse connaissance. Donc, les gens rigolent forcément. Et on parle d'Haïti. Et je l'ai... T'as vu quand tu gonfles quelqu'un ? Ouais, Haïti, nanana. Bon, calme-toi, c'est au milieu de... Vas-y, c'est bon. Allez, et la meuf rigole. Et là, quand on part sur l'histoire des cordages, de ses cheveux, de ses nattes et tout, ça y est, là, je la perds. Et après, elle a dû partir parce que voilà, malheureusement... Mais elle t'a dit qu'elle revenait. Est-ce qu'elle est revenue ou pas ? Le temps qu'elle rentre, qu'elle revient, elle n'est pas revenue. Elle voulait revenir pour le spectacle, mais je ne peux pas. J'ai 100 personnes dans la salle. Je ne peux pas leur dire, attendez qu'elle aille se changer. Non, tu peux pas. Mais du coup, je pense que tu vas retourner jouer, Inch'Allah, quand les scènes seront ouvertes. Mais voilà. Cette anecdote-là, c'était la dernière en date. Mais je veux dire, tu pourras la réinviter, qu'elle revienne voir le spectacle en entier. Oui, mais bien sûr. En plus, je crois, elle me follow sur Insta parce qu'elle m'avait envoyé un message le lendemain pour me dire, regarde, j'ai pas. Tu sais, ça, c'était un message. Tu sais bien que tu me fasses penser. C'était un message, tu vois. Regarde, elle m'a dit, j'ai passé que 5 minutes avec toi, mais ça a été 5 minutes merveilleuses. Tu vois, Ah, c'est beau, elle m'a c'est beau. dit, j'ose espérer ce que ça aurait duré pendant 1 heure. Elle m'a dit, c'était magnifique, merci pour ce moment. Je lui dis, mais je suis dégoûté, t'as pas assisté de ça. Je lui dis en même temps, t'as vu, si tu te pisses dessus à ton âge. Et on est retourné dans le, tu sais, dans le délire en DM. Et après, voilà. Mais c'est clair que cette fille, si je reviens à Angers ou si Oui, elle me voilà. contacte sur Insta, parce que je me rappelle un peu de son pseudo, il va de soi que je l'invite en guest et qu'elle soit, parce que c'était franchement, pour moi, humoriste. C'est une pure bouffée d'oxygène. C'est un Ah pur moment de bonheur. Et tu vois, là, je t'en parle sur le podcast parce que ça m'a marqué. Pas parce qu'elle s'est pissée dessus, hein, mais parce non, que mais non. le moment, C'était un l'échange moment qu'il de y a eu entre partage. nous, c'était un moment de partage extraordinaire. Mais je te souhaite de pouvoir retourner jouer là-bas. Simplement demande-lui sa taille de pantalon et puis t'en prévois un sur le côté, tu vois. Voilà. Et comme ça, Je te jure. t'inquiète, ça. Mais ça va le faire, non, je Ah. suis sûr. Tu sais quoi, quand il y a des gens comme ça qui te marquent, moi, je comprends ce que tu veux dire. Évidemment, oui, l'anecdote, elle porte pas sur le fait qu'elle se soit pissée dessus. Ça, malheureusement, c'est un accident, ça arrive, tu vois. Mais je veux dire, franchement, ça porte sur le fait qu'il y a eu une, comme une espèce d'harmonie, une espèce de cohésion dans la salle. Tout le monde était avec toi. J'imagine que même quand t'allais partir après, quand t'es parti sur d'autres C'est ce que sujets j'allais ou, dire. C'est ce que voilà. j'allais dire. Elle a été carrément le fil conducteur de mon spectacle sur la deuxième partie. Et en fait, ça a été le running gag. Ouais, genre De heureusement même. qu'elle n'était pas là, sinon... Non, non, non, ouais, non, c'est même pas ça. C'est que dès que je rebondissais sur une vanne, sur une vanne de mon spectacle ou un truc, je l'intégrais à des moments, je ne m'en rappelle pas là tout de suite. Parce que tu sais, des conneries, Sofiane, on en dit toute la journée. Tu ne te rappelles pas du contenu exact, tu vois. Mais ça a été le running gag, ça a été le fil conducteur. Et c'était un. Franchement, ça a été d'ailleurs la seule date que j'ai faite. Parce que par la suite, je devais partir le août, je devais partir en Tunisie, en Algérie, sur deux festivals qui malheureusement ont été annulés. Et du coup, moi, j'avais reçu les acomptes et tout. Et je les ai renvoyés. J'ai dit à mon manager de leur envoyer. Et donc, j'ai dû rembourser les organisateurs sans qu'ils me le demandent parce que c'est un principe. Les mecs, Oui, bien ils sûr. galèrent, ils ont Ouais. des établissements à faire vivre. En plus, on ne parlait pas de petites sommes. Donc, j'ai remboursé les organisateurs et ils ont apprécié le geste. Et tu vois, en fait, c'est comme ça, en fait, que. À un moment donné, tu vois, les gens nous respectent, nous apprécient. Il y a le côté humain. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font 2-3 000 followers sur Insta qui disent, ouais, parle à mon manager. Non, c'est pas comme ça. Si tu perds le côté humain, si tu perds le côté proximité, c'est vrai qu'il ne faut pas trop en avoir. Parce que moi, on parlait d'anecdotes. Il y a un jour, j'ai fait mon spectacle, j'étais trop proche du public, trop d'interactions, et ça m'a saoulé. Je l'ai ressenti à travers mes interventions en improvisation parce que j'étais plus sec que d'habitude. Alors que d'habitude, quand je fais des interventions en impro, c'est toujours bonne ambiance. Ça veut dire que c'est Ouais, toujours. t'avais peut-être perdu un peu le côté séduire le public, quoi. En fait, si, mais c'était vu qu'ils étaient trop dans la répartie, ça veut dire qu'à un moment donné, j'ai dit mince, j'aurais pas dû leur donner trop de. Ah, t'as J'aurais trop pas ouvert dû. la porte, quoi. J'ai trop ouvert la porte. Et après, il y a un spectacle parce qu'il y a d'autres personnes qui sont là, qui attendent de voir Nounours, de voir ce que Nounours a à nous dire. Parce que là, OK, ils rigolent avec eux, mais c'est drôle, mais à un moment donné, il faut faire attention à ça. Et quand tu es sur scène, tu vois, tu as la pression du rire, tu as la pression déjà du remplissage qui est la première, et ensuite, tu as la pression de l'organisation. Parce que déjà, tu as pu éclater de rire une scène remplie la semaine dernière, mais le même public de cette semaine peut être totalement différent et beaucoup plus exigeant. Donc, il faut jamais, jamais, jamais se reposer sur ses acquis. C'est ce que je dis à la génération montante, dont j'en fais partie, hein. Mais je parle des gens qui commencent à peine sur scène et qui découvrent le métier. Ne restez jamais sur des acquis, sur une vanne ou sur un 5 minutes. Il faut. Alors, moi, tu sais, Sofiane, moi, ma conception du travail a été que j'ai toujours pris 5-10 minutes de mes écritures que j'allais tailler à la perfection. Ça veut dire, et en fin de compte, je ne le faisais pas sur des plateaux, je le faisais lors de mes spectacles. Ça veut dire que je découpais mon spectacle. Et je vais te faire une confidence, que je te dis la vérité, je ne l'ai jamais dit à personne. Ça m'arrivait de roder mon spectacle, de roder. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le font sur scène, mais tu sais très bien qu'on rode un sketch sur des plateaux. Ouais, c'est plus pratique sur les plateaux parce que du coup le public n'est pas venu pour toi, donc c'est plus révélateur. C'est-à-dire si tu réussis à faire rire des gens qui ne sont pas venus pour toi, c'est que c'est validé, quoi. Alors moi, je n'ai jamais rodé sur les plateaux, je rodais constamment sur mon spectacle. Et c'est un risque. C'est un gros risque. Ça veut dire que moi, certes, tu rôdes ton spectacle. Hein. Ton spectacle, tu as le public qui vient, c'est normal qu'ils soient en rodage. Mais moi, je n'ai jamais essayé une vanne sur un plateau que j'allais derrière essayer sur mon spectacle. Je l'essayais directement dans mon spectacle. Ouais, bah c'est un parti pris. Tu veux roder avec les gens qui te suivent et qui te soutiennent. Ouais. Que je connais pas, non, que je connais pas, parce que attention, hein, je joue au théâtre du gymnase. Certes, moi, je communiquais sur mes réseaux. J'ai une communauté qui me suit sur Snapchat. Et du coup, bon, c'est à travers la France. Donc, j'ai presque 1,5 million de gens sur Snapchat. Donc, c'est pas tout le monde sur l'île de France. Donc, et tant mieux, parce que quand je vais aller jouer à Marseille ou à Bordeaux ou là, c'est bien d'avoir 20 ou 30 personnes qui te suivent là-bas, qui vont de fil en aiguille dire, tiens, il y a une ours qui vient. Tu sais, c'est important, en plus de la communication qui sera faite en interne. Mais après, tu sais, le monde du spectacle, c'est un monde de fou, parce que ces anecdotes-là, c'est ce qui nous nourrissent aussi. Et c'est ce qui fait que ça fait partie du salaire, au-delà de l'argent, dans le sens où tu as des bonnes expériences, tu as des mauvaises expériences bah, c'est des leçons que tu retiens par la suite et qui te permettent de ne plus refaire les mêmes erreurs, parce que parfois, autant le public. Moi, j'ai jamais mis en cause le public, mais il se peut. Moi, j'ai jamais eu vraiment de problème dans le public. Ça a été que des anecdotes drôles. Et j'ai essayé de me souvenir un lieu où j'en ai eu une, parce que je jouais mon spectacle à Massy. Voilà. En fait, c'est cette anecdote que je voulais te raconter tout à l'heure, et j'ai oublié le lieu, parce que j'aime bien localiser. Et D'accord, c'était à d'accord. Massy, Oui, dans le Massy, c'est dans le 91. 91, oui, voilà. Yes. Et du coup, je jouais mon spectacle et il y avait une fille un peu forte sur le spectacle. Comme tu le sais, moi, je suis un gros nounours, hein. De ma corpulence et de mon cœur, hein, j'ai un grand cœur aussi, tu le sais. Bien sûr. Et j'ai un gros ventre aussi, tu le sais. Donc voilà, je Chez sais nous, tout est que gros, t'inquiète pas. tout est Le gros, cœur, le voilà. ventre, tout. Et j'interpelle une fille un peu bien dimensionnée, hein. Je la regarde et tout, je lui dis, je veux, tu sais, je la fais monter sur scène et je lui dis, viens sur scène gentiment. Elle me dit oui et je vois qu'elle est un petit peu sceptique. Je lui dis, viens, parce que elle était quand même assez costaud, la fille, tu vois. Mais c'était pas pour me foutre d'elle, hein, tu vois. Mais j'avais besoin d'elle à ce moment-là, parce que j'ai eu une idée en tête. Ça veut dire que c'était même pas prévu. Et je la monte sur scène. Et je dis là, en gros, je dis au public, quoi, en fait, je déconne, hein, il n'y aura pas de spectacle. Voilà, là, ce soir, j'ai eu un coup de foudre, ce n'était pas prévu, j'ai envie de me marier avec elle. Je dis, après, je sors deux, trois petites punchlines, je viens de réaliser que voilà, on a du poids en commun, c'est très important, tu vois. Et bref, tu vois, je commence, et la meuf a commencé à rigoler, elle se décontracte. Et en fait, c'est après que je l'ai su qu'elle était très très complexée de son poids. Mais Ah. attends, attends, écoute le truc extraordinaire qui s'est passé. C'est que moi, à ce moment-là, quand je vois qu'elle rigole et qu'elle est d'accord, là, c'est parti. Ça veut dire, T'as moi, je lâché me la lâche bride, sur quoi. elle. Ah, j'ai lâché la bride. C'est-à-dire, je lui dis, par contre, il faudra qu'on fasse attention, parce que toi et moi, au resto, ce ne sera pas une facture, ça sera plutôt un devis. C'est chaud. Donc, il va falloir. Ça, c'est plein de petites vannes comme ça. Hein. Et là, je pars, je la termine. Et à la fin, elle va s'asseoir, le public mort de rire, et elle morte de rire. Hein. Elle me dit merci. Et je ne comprends pas Ah. pourquoi elle me dit merci. Ça veut dire, les gens ne l'ont pas entendu, elle me l'a dit sur scène. Et là, on enchaîne le spectacle, à ce moment-là, elle Oui. s'appelait Kaoutar. D'accord. Elle s'appelait Kaoutar, parce qu'après, je lui ai dit, on reverra ton prénom, parce que vu ta corpulence, je préfère plutôt t'appeler Kamtar. Hein, pour te dire un peu dans le délire dans lequel je suis rentré. Elle s'appelait Kaoutar. Tu t'es privé de rien Non, là. non, je me suis privé de rien. Et c'était magnifique, parce que, en fait, je n'ai pas. Ça s'est fait de manière progressive. Je ne suis pas allé tout de suite. Une fois que j'ai vu qu'elle jouait le jeu, et qu'on a joué le jeu, parce que derrière, je parlais à ma femme. Donc, en fait, pour que je te remette dans le contexte, c'est que quand je la taquinais, en gros, c'est bon, c'est ma femme. Et j'ai menacé le public, je dis sur la tête de ma mère, lui qui la regarde quand elle marche et qu'elle se retourne, la vie de ma mère, on embrouille. C'est mort, c'est ma meuf, là. Là, vous parlez à ma meuf, les gars. Ça veut dire, là, j'ai imposé le truc. Et j'ai dit, il y a quelqu'un de ta famille là? Elle me dit, ouais, il y a ma sœur. Je dis, ok, belle sœur, ta sœur, c'est ma meuf. Elle me dit, ouais, c'est bon, je te la surveille. Et le public mort de rire et tout. Et du coup, elle part, elle s'assoit et tout. Et après, à la fin, bah, applause, tout ça, on finit le spectacle, nickel, merci, on part, merci beaucoup. Moment magnifique encore, 1 heure et demie magnifique avec les gens de Massy, des vieux, des jeunes, laisse tomber, public de Drucker, public de Gulli. Eh, frère, c'était une tchouk-tchouk à la salle. Mais magnifique. Ah, c'était magnifique. Et à la fin, il y a sa sœur qui vient me voir. Elle me dit, je vais te dire la vérité, ma sœur est malade. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'elle Ah. a? Je lui dis, merde. Dans ma tête, je dis, merde. J'ai merdé. Elle me dit, non, non, il n'y a rien. Elle me dit, ma sœur est malade. Elle est très, très complexée de sa prise de poids, parce qu'elle est tombée malade et elle a pris beaucoup de poids. Et elle m'a dit, je te jure, les larmes aux yeux, Sofiane, Elle m'a dit merci. Je dis, mais merci pourquoi? Parce que c'était une blague, hein, je ne vais pas me marier avec elle. Et elle rigole, elle me dit, non, mais je sais. Elle me dit merci parce que ce qu'elle vient de vivre avec toi, en fait, c'était inimaginable. Elle m'a dit, j'ai carrément filmé pour montrer à mes parents parce qu'ils ne m'auraient pas cru. En fait, sa vie était sombre, elle était dégoûtée d'être grosse. Elle était dégoûtée d'avoir pris du poids. J'emploie le mot grosse, attention, je ne vais pas choquer l'opinion publique, mais c'est les mots que sa sœur m'a dit. Elle m'a dit, ma sœur est dégoûtée d'être grosse, ma sœur. Tu vois, parce que je n'aime pas employer ce mot, parce que surtout pour une femme. Donc, tu sais, ça peut être mal perçu. On va dire, pour ce qui se prend, lui, à dire grosse. Là. Mais voilà, moi, je suis grosse, j'ai le droit de me le dire à moi. Mais elle était dégoûtée. Et elle m'a dit, merci. Merci parce que là, ce que tu viens de faire, c'est 3 ans de thérapie qui n'ont servi à rien qu'un psychologue. Et en 10 minutes, t'as... Non, mais là, voilà, Sofiane, c'était... Imagine-toi le truc. Je te la raconte. C'était drôle, mais c'était fort en émotion. Parce que moi, après, avec du recul, et elle est venue me parler à Kautar. Et elle m'a dit, tu sais, on n'est pas rentré dans le truc. Ouais, t'es malade. Non, elle m'a dit, franchement, tu m'as terminé des bars et tout. Tu sais, et après, c'est le soir qu'elle m'a envoyé un message sur Facebook. Et là où elle m'a raconté sa vie. Parce qu'elle n'était pas au courant que sa sœur est venue me voir. Que truc. D'accord, ok. Mais ouais, je pense qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que tu as réussi à lui faire passer un bon moment grâce à quelque chose qui la complexait. Donc, c'est un peu comme si tu avais équilibré les forces, quoi. Tu vois, c'est ce qui la mettait en galère lui a permis de passer un bon moment finalement, quoi. Mais au-delà de... Non, c'est même pas passer un bon moment, Sofiane. C'est au-delà de la complexer, l'a rendue malade. Parce qu'elle se faisait vomir. En fait, c'était tout un truc. Ça veut dire, moi, quand sa sœur est venue me parler à la fin et qu'elle m'a expliqué, c'était tout un truc. Et ça, j'oublierai jamais. Et moi, j'avais peur. Je dis, oh là là, Nounours, calme-toi quand tu vois des gros. Arrête. Arrête de croire que tous les gros sont comme toi. Et moi, j'aime parce que je suis gros. Donc, j'aime bien passer un moment avec les gros. J'aime qu'on parle de bouffe. J'aime que. Mais là, j'ai dit, non, qu'est-ce que j'ai fait au moment quand elle m'a dit, mais comme elle dit ça, j'ai dit, alhamdoulilah. Et finalement, bah, ça m'a réconforté dans ma façon de penser en me disant, bah ouais, finalement. Bah, l'humour reste une thérapie aussi pour quiconque a des problèmes de complexes ou ce genre de choses. Là, en l'occurrence, c'était une personne en surpoids et j'étais content, j'étais trop content et on a grave échangé après. Laisse tomber, c'était un délire. Pour te dire, elle est même venue, j'avais fait une petite vidéo, en fait, une petite web-série que je voulais faire pour le Ramadan il y a 3 ans. On était tellement pris par le temps, on a plein de rush, on a tourné, on a monté 20 épisodes et que je n'ai jamais lancé parce que malheureusement, moi, je travaille au détail et pourtant, j'ai payé très cher hein, parce que j'ai fait venir une vraie équipe de tournage et tout. Hein. Ce n'est pas juste un mec avec sa Canon qui venait filmer. Il y a une équipe de lumière, prise de son, c'était une vraie équipe. Et je ne l'ai jamais lancé parce que par souci du détail, ça ne me plaisait pas et j'ai dit non, je ne le lance pas. Et elle est venue et a joué le rôle. Et pour te dire, à un moment donné, il y a une scène qui se fait où je lui présente ma mère. Et quand ma mère, elle la voit, elle court et elle agrippe le frigo. Et elle regarde ma meuf, elle lui dit, tu touches pas mon frigo, c'est mon frigo. Tu vois le délire. Et c'était une scène, tu sais, c'était un petit, on va dire, je voulais faire une petite web-série pendant le Ramadan, j'avais lancé 2-3 trucs, des capsules, après j'ai retiré parce qu'il y avait un détail qui me perdait. Je pouvais pas la lancer comme ça. T'as vu Nounours, il a habitué les gens à du travail de qualité. Je préfère être absent, ne rien envoyer, tu vois, même si c'est dangereux parce que les gens peuvent passer à autre chose. Et t'as vu aujourd'hui, Internet, ça va vite, hein. TikTok, Insta, nanana. Mais les puristes, les gens qui te suivent et qui aiment ton humour, quoi qu'il en soit, reste fidèle, quoi, tu vois. Oui, c'est voilà, t'as les vrais soutiens. Ils sont là, puis voilà. Est-ce qu'on peut avoir l'espoir de voir cette série un jour? Alors, cette série, je ne pense pas, mais des séries, tu en auras. Et cette série, ces idées-là, je pense que je les réadapterai. Ça, c'est la base. Tu vois. D'accord. Ça, je les réadapterai. Mais les idées, le contenu, parce que j'ai quand même... Franchement, je ne le prends pas pour prétentieux, hein, mais je te jure, Sofiane, il y a des punchlines visuelles, elles sont extraordinaires. A pleuré de rire. Ouais, mais je te connais, je connais ton travail et je connais ton efficacité. J'avais fait ta première partie à l'époque au Populaire du Renitas et j'avais vu ton spectacle. Et déjà là, enfin voilà, moi, changé depuis. Il a beaucoup changé depuis. Mais tu sais, me parles du Renitas. Tu vois, tu m'as mis dans un souvenir. Le Populaire du Renitas, Sofiane, c'était. J'oublierai jamais cette expérience-là. Je l'ai connu grâce à Samia, je faisais ses premières parties. Ouais. Et si tu veux une anecdote, je vais t'en donner une. Et ça concerne moi et Samia. On se rencontre, gros coup de cœur et tout. On s'était rencontrés devant le Pranzo. Et elle me dit, voilà, tu... elle a eu ce créneau populaire. Et elle me dit, est-ce que tu voudrais faire mes premières parties? Moi, Samia, je l'écoute derrière Beurre FM. Je l'ai, tu sais, je Samy avec 40 comics, tu sais, je la connaissais pas, mais je l'ai découvert et j'ai vu que quand même, tu sais, c'est quand même la meuf qui a fait des plateaux, qui faisait monter Baptiste Le Caplain, tu sais, les gens aujourd'hui qui sont en tête d'affiche. Et elle me dit, et moi je dis, mais t'es sûr de ce que tu me dis? Je dis, mais oui, ouais, vas-y, ouais. Et Samia, elle me dit, fais ton. Elle me dit, vas-y, on fait la première partie. Elle me dit, fais le temps. Je lui dis, elle me dit, t'as combien de temps d'écrit? Moi, je lui dis, j'ai entre 20 peut-être 30 minutes. Elle me dit, vas-y, joue tout. Moi, je joue tout. D'accord. Mais Samia, il s'avère que elle aussi, elle a que 20 ou 30 minutes à ce moment-là. Ça veut dire que moi, je fais sa première partie, mais en fin de compte, son spectacle, il avait que 30 minutes. Et elle me dit, ouais, en fait. Et c'est après, D'accord. elle me le dit, tu sais, pour rigoler. Et des barres de rire. Et en fait, je peux pas trop m'étaler parce que si je te raconte les anecdotes avec Samia, que j'embrasse énormément cette fille, c'était franchement c'est l'une de mes plus belles rencontres dans mon parcours artistique et dans cet univers-là. Et que ce qu'on a rigolé parce que sur le coup tu t'es dit en fait et moi j'ai réitéré la même chose avec Younes et Bambi parce que moi j'avais que 35 D'accord. minutes. Je leur dis, venez les gars, vous avez combien? Ils me disent, ouais, on a 15, 20 minutes. Je dis, vas-y, faites doux. Et il s'avère que moi aussi, donc à nous deux, on a comblé 50 minutes de spectacle. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Non, mais. Ouais, c'était censé être des premières parties, ça devenait des 30-30, quoi. T'as tout compris. D'une première partie, on se retrouvait à 30-30, parce qu'une première partie, c'est 5-10 minutes, tu vois. Juste pour te dire, aimons-nous vivants et vive l'humour, vive l'amour, hein, tout simplement. Totalement, totalement. Ben merci beaucoup. Et vive Nounours également. C'était un plaisir de te Merci, recevoir dans le Sofiane. podcast. Merci Merci à beaucoup, toi. Merci Sofiane. à toi pour ces belles anecdotes. Et où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Bah, les réseaux sociaux, c'est très simple, hein. Snap qui prend feu, qui explose en ce moment. C'est Nounours, le 3, le point, le 0, donc Nounours 3.0. Voilà, D'accord. c'est une version mise à jour et très, très, très efficace. Snapchat, venez passer un bon moment. Instagram, c'est Nounours officiel. Facebook, c'est Nounours. Et puis voilà. Hein. Je ne suis pas très actif Twitter, mais je vais m'y mettre aussi. Là, D'accord. Et je suis sur Insta, là. Là, ouais, d'accord. je suis en Et train de développer YouTube? mon Insta. YouTube, du YouTube, coup? Nounours officiel. Tout est en Nounours Ok. officiel. Eh ben super, ben Vu que je suis je le seul mettrai tous nounours les dans l'humour, c'est moi, il n'y en a pas deux. liens. Mais tu Voilà. sais, justement, alors je te fais ça en 2 secondes, tu sais qu'à un moment, je cherchais un pseudo, au tout début quand j'ai commencé, je cherchais un pseudo et j'ai pas réussi à trouver, donc finalement j'ai gardé Sofiane Etaï, mon prénom et mon nom de famille, et je te jure que le seul pseudo qui me paraissait acceptable, je me disais c'est dommage, c'est Nounours, tu vois. J'ai Eh ben. pensé... Je te jure que quand je cherchais un pseudo, je me suis dit Nounours. J'y ai pensé en fait. Et après, je dis, bah non, il y en a déjà un. Et Eh ah, oh, ben. c'était. Eh ben, t'as Ouais. bien fait parce que sinon, octogone, frère. J'ai aucune chance. Octogone, frère. J'ai T'aurais aucune pris chance. mon nom d'ours, ça aurait été octogone. Hein. Non, non, non, non, jamais de la vie. Tu sais, on pique pas les vannes, on pique pas les pseudos. Mais c'est vrai, en fait, j'y ai pas pensé en mode, ah ben je vais prendre Nounours. Et après, ah ben non, il y a déjà quelqu'un. Mais je me suis dit, c'est dommage parce que clairement, c'est le surnom. Tu vois, je voulais faire un truc par rapport à mon surpoids. Et j'ai l'habitude de dire, en fait, c'est parce que c'est un terme que j'utilise. J'ai l'habitude de dire, moi, de toute façon, je suis un gros Nounours, tu vois. Ouais. Et en fait, Nounours, ça aurait été. Ouais, je pense que c'est le pseudo que j'aurais pris si toi, tu l'avais pas pris, tu vois. Mais finalement, c'est pas grave. Non, non, j'ai gardé mon nom et mon prénom. Je m'étais dit que tous les grands humoristes gardaient leur nom. En tout cas, bah, merci beaucoup. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux. Donc, Sofiane Etaï, E2TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous à tous, même à toi là-bas.